15e leçon. Petites annonces. Recherche jeune fille pour garder mes enfants le soir. Téléphoner le matin au 04 56 52 39 01. Je vends un canapé et deux fauteuils en cuir. Prix à débattre. Alloué. Petit studio. Calme et clair. Salle d'eau. Écrire à Madame Delay, 3 boulevard Malesherbes, Paris 8e. Bonjour Madame. Je vous appelle au sujet de votre annonce pour garder les enfants. Très bien. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Martine Lenoir, Madame. Et quel âge avez-vous, Martine ? J'ai 14 ans, Madame. Oh, mais vous êtes beaucoup trop jeune. Je suis désolée. Au revoir. Exercice. Je n'ai pas d'argent pour acheter des meubles. Il y a un petit studio à louer dans le 8e. Bonjour, je m'appelle Pierre Lefebvre. Mais vous êtes beaucoup trop jeune. Comment vous appelez-vous ?